mise à jour de son fichier client, la Régie des Eaux a entrepris en collaboration avec Listebout un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des Eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebout l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Isangani, reçoit tous les bienvenus à l'écoute de ce journal dont voici les grandes articulations. Le métier de l'art est un métier qui peut faire vivre les artistes. Propos du directeur de la radio Isanganiro qui dit que l'arrestation qui organise ce samedi la finale de la compétition Isanganiro Awade pour la 8e édition, vous l'entendrez au cours de ce journal. Et dans la série de la lecture de Kirkurum Vitae des candidats à la présidentielle de mai prochain, aujourd'hui, la rédaction de la radio Isanganiro va vous parler du Kirkurum Vitae de Léon Singeda Kumana, candidat à la présidentielle pour le compte du parti Sahwanya Frodebu. Et des eaux usées en provenance de l'hôpital de 3e référence de Karusi menacent les habitants des environs. La direction de cet hôpital est tranquillisée, disant qu'elle est en train de chercher des solutions à ce problème. Et comme à l'accoutumée, tous les samedis, vous avez droit à la revue de la presse. Bienvenue pour les détails. Page politique pour commencer cette édition. Dans la présentation des profils des 6 candidats présidentiels récemment validés par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour la conquête du fauteuil présidentiel, la rédaction de la radio Isangani revient sur Léon Singeda Kumana. Il a été à la tête de la chambre basse du Parlement pendant 7 ans et représente le parti Sahwanya Frodebu au prochain présidentiel Elinibel Nebigira. Léon Singeda Kumana est natif de la mairie de Bujumbura, communément appelée Bujumbura rurale. Il est né à Nyarukere de la commune Sare le 10 avril 1958. Il fait ses études primaires à l'école primaire Ndorushubi de 1965 à 1973. Il va poursuivre ses études secondaires au Rwanda au collège de Ririma et termine en 1980. En 1983, il entre à l'université du Burundi pour faire la chimie. Ses études sont principalement centrées sur des techniques d'analyse et agrochimique des sols et des produits alimentaires. De 1980 à 1993, il est assistant à l'Institut supérieur d'agriculture de l'Université du Burundi qu'il venait de fréquenter. Il a été député à l'Assemblée nationale pendant 17 ans. De 1993 à 2010, il a même présidé cette institution parlementaire pendant 7 ans, de 1993 à 2002. Exilé au Rwanda, il devient membre du mouvement des étudiants progressistes du Burundi, puis membre du Parti des travailleurs du Burundi, au bout en sigle. Il a assuré différentes responsabilités au sein de son parti Sahwanya Frodebu, qu'il a intégré dès sa fondation en 1986. Il est élu secrétaire général du parti, puis son président, et aujourd'hui, il est vice-président de cette formation politique. Après les élections de 2010, Guinda Kumana a été président de la coalition des partis de l'opposition, Alliance des démocrates pour le changement ADC Ikibiri. Et après les échéances électorales de 2015, il est membre fondateur de la plateforme aussi de l'opposition Senared, visant la restauration de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, une plateforme qu'il a représentée au Burundi. Léon Singeda Kumana est parmi les négociateurs et signataires de l'accord d'Arusha. Singeda Kumana commence la politique à bas âge, se réfugie au Rwanda à 14 ans seulement, après la crise de 1972, où il intègre le mouvement Bamhele et regagne son pays natal en 1981. Léon Singeda Kumana a obtenu des certificats et distinctions honorifiques dans la défense de la démocratie et la gestion des crises et des conflits. Merci Elinibel Nibigira. Deux frères, l'un du CNDD-FDD et l'autre du CNL, tous habitants de la colline Nyagwaga en commune et province Bururi, sont locataires du cachot de la police de Bururi depuis l'après-midi de ce vendredi. La police les a arrêtés chez eux vers la mi-journée de ce vendredi, les accusant de s'être coalisés pour infliger de coups et blessures à un jeune du CNDD-FDD de la colline Ruchemeza voisine. Pour Tadin Chimilimana, représentant communal du CNL à Bururi, cette arrestation est intervenue après la fuite de 8 jeunes de ce parti en zone Bamba suite à une bagarre qui les a opposés à des jeunes du CNDD de la localité. De son côté, Tshiza Jean, administrateur communal de Bururi, dit que les instances judiciaires ont droit d'enquêter sur un cas suspect et demande aux responsables du CNL d'attendre la décision de la justice. Cet administrateur dit qu'il compte faire une descente à Bamba pour apaiser la tension surtout entre les jeunes du CNDD et ceux du CNL. Je vous le disais en titre, les artistes peuvent vivre de leur métier comme tant d'autres fonctionnaires. Propos de Sylvain Hakartimana, directeur de la radio Isanganiro, au moment où ce samedi est prévue la finale de la compétition Isanganiro Award pour la 8e édition. Son responsable ajoute en outre que cette compétition est organisée dans le but de promouvoir les artistes et leurs œuvres. Je propose de l'écouter. Nous avons cette culture d'organiser la compétition Isanganiro Award parce que nous croyons que la musique est un art qui, à la limite, est un métier qui est à valoriser parce que l'image que présente le musicien aujourd'hui, c'est l'image qui montre quelqu'un qu'on dirait, du moins dans la conception des gens, que c'est quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose, qui à la limite est négligé. Et nous voulons dire, la musique c'est un métier à part entière. Un musicien c'est un professionnel parmi les autres. Donc s'il y met de son talent, de son intelligence, de ses moyens financiers, de son temps, de son énergie, c'est quelque chose à valoriser. Lorsqu'on jette un regard extérieur, à l'extérieur de notre pays, il y a des professionnels de la musique, de l'art musical, qui sont parvenus à faire vibrer le monde et qui par conséquent sont devenus riches parce qu'ils ont fait des choses appréciables par tout le monde. Et nous pensons que la promotion de la musique, la promotion du musicien, c'est une opportunité que la radio Isanganiro offre à ces artistes-là de se promouvoir et de pouvoir se lancer, se mettre en scène et se développer, développer leur famille. Est-ce qu'on peut savoir la nouveauté pour cette année? Bon, la nouveauté pour cette année, c'est qu'on a mobilisé plusieurs radios ici sur place, à l'extérieur du pays, les DJ à gauche à droite, pour faire une bonne sélection de la musique. La musique qui est chaque fois sur la scène, à l'extérieur, et à l'intérieur du pays. Et tout ce monde-là a été mobilisé pour trouver les meilleures chansons. Un mot pour les musiciens. Un mot pour les musiciens, c'est que les musiciens sont des professionnels à part entière. Eux-mêmes ne doivent pas se négliger, ils doivent se mettre en scène et se valoriser. Et nous pensons qu'ils doivent prendre conscience que leur métier, c'est un métier qui mérite un respect, qui mérite l'attention de tout le monde. Et la danse emblématique du tambour burundais contribue dans le développement du pays. Dans une conférence de presse animée ce vendredi, le représentant légal de l'association Focus Cultural Life, Aloïse Machania, explique que le tambour véhicule le message de cohésion sociale. Il interpelle le gouvernement burundais à soutenir les tambourinaires pour la promotion de la culture burundaise. On l'écoute. Le tambour était toujours un donneur d'un message au public. Et nous voudrons aussi que le tambour puisse donner toujours un message aux populations. Une fois que le jour, il y a une grande l'activité du public. Il faut que ce qui se chante, ce qui se joue puisse apporter une plus-value à tous ceux qui la regardent. Il faut que les chansons, par exemple, puissent promouvoir la valeur culturelle, promouvoir toutes les autres valeurs que nous pouvons avoir ici sur le pays. Il faut que la danse emblématique du tambour burundais puisse apporter du bienfait dans la communauté. Il faut que les artistes puissent se retrouver, puissent se rencontrer, puissent discuter des problèmes qui et pour qu'on puisse améliorer le visage du pays, que ce soit au niveau national, que ce soit international. Tant que le Burundi existe, on espère que le tambour sera toujours là. La promotion culturelle, la pérennisation du tambour burundais, la valorisation des célébrités et surtout des artistes tambourinaires. C'est difficile d'atteindre tous les groupes parce qu'il y a des groupes qui sont dans les communes. Nous demandons au gouvernement qu'il puisse nous approcher pour que nous puissions libérer les artistes qui ont cette bonne connaissance, cette bonne manière de transmettre la vraie valeur et comme ça nous pouvons rejoindre les groupes qui sont dans les communes, même au niveau des zones. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h05 dans nos studios, poursuivons ce journal par la page Société. Les habitants de la colline Kigoma vivant près de l'hôpital de 3e référence au chef-lieu de la province Karoussi sont lamentés des déchets qui viennent de cet hôpital et se déversent dans leur ménage. Le chef de zone Wuhinyuza, où se trouve cet hôpital, affirme avoir informé l'autorité communale et la direction de cet hôpital. Au niveau de la direction de cet hôpital, le directeur administratif et financier dit qu'en collaboration avec les administratifs et la direction de l'hygiène et assainissement du ministère de la Santé publique, ils sont en train de chercher de trouver des solutions à ce problème. Blaise Pascal Kararoumier, correspondance. Ces habitants vivant près de l'hôpital et du chef-lieu de la province Karoussi disent s'inquiéter du risque d'une épidémie des maladies des mains sales. Cette population se lamente donc de l'évacuation des eaux souillées en provenance de l'hôpital de 3e référence de Karoussi. Ces déchets proviennent des fosses destinées à la collecte de tous les déchets de cet hôpital et se déversant actuellement dans les habitations et en particulier les habitations du site des déplacés de Kigoma. Ces eaux sales débordent de ces fosses et lorsqu'on arrive à cet endroit, on est accueilli par des odeurs nauséabondes. Les gens ne fréquentent plus la route qui sépare ce site et le nouveau quartier de Kigoma. Le chef de zone Wuhinyuza, habitant lui aussi ce site, il dit avoir informé l'autorité communale et certains des responsables de cet hôpital. Il indique que la population attend depuis presque un mois ce qui peut être fait pour être secouru. À la direction de l'hôpital, le directeur administratif et financier affirme que ce problème est connu jusqu'au niveau du ministère de tutelle. Emmanuel Ngunzingoma informe qu'en collaboration avec la direction de l'hygiène et assainissement, ils sont en train d'étudier ensemble ce qui peut être fait pour la gestion de ces déchets et afin de pouvoir secourir cette population des environs de l'hôpital. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumier pour la radio Sanganilo. Merci Blaise Pascal Kararoumier. Tout près de Karoussi, à Tchangoudzo, 52% de la population à faible revenu utilise la carte d'assurance maladie dans toute la province, dans toute cette province. Le médecin provincial de Tchangoudzo demande aux communes d'assister les groupes les plus vulnérables qui ne peuvent pas se payer cette carte. Certaines communes disent que les vulnérables sont assistés, mais qu'il n'y a pas d'obligés alloués à cela et demandent au ministère de la Solidarité qui appuie les communes de s'atteler aussi à cette catégorie de la population. Raymond Moudin des correspondances. Étant donné que c'est 52% de la population à faible revenu constitué des agriculteurs et des éleveurs qui utilisent la carte d'assurance maladie en province de Tchangoudzo, Dr Kubimana Zakari, médecin provincial à Tchangoudzo, remarque que ce taux d'adhésion à la carte d'assurance maladie devrait être augmenté. Selon lui, il se remarque que la population achète cette carte lorsqu'elle tombe malade. Aussi continue-t-il. D'autres raisons qui expliquent la non-adhésion à cette carte d'assurance maladie, qui s'achète normalement à 3000 francs par an, est que la population vulnérable ne peut pas avoir cette somme. À ce propos, il demande aux administrateurs d'appuyer les groupes de population vulnérable pour qu'aucune personne n'accède aux soins de santé. Et au moment où la population ne possède pas cette carte d'assurance, l'assurance des soins de santé est de 100%, ce qui fait qu'il est difficile de se faire soigner. Bizman Anakre, l'administrateur de la commune Mijiha, dit que cette question est problématique dans sa commune où le taux de vulnérabilité s'accentue à cause des placés internes qui viennent d'autres provinces pour s'installer dans cette commune à la recherche des terres. Il dit qu'il essaie de faire de son mieux, mais l'assistance de ce genre reste un défi. Pour Félix Boukoulou, conseiller d'administrateur chargé de développement en commune Kisagala, et Pasteur Nyonzima, conseiller social en commune Tchangoudzo, il n'y a pas pratiquement d'objet alloué aux communes pour acheter les cartes d'assurance maladie aux vulnérables. Toutes ces communes demandent elles aussi l'appui au ministère de la Solidarité qui normalement appuie les communes mais que cette fois-ci devrait s'atteler à ce secteur de santé. Pour essayer d'aider les groupes les plus vulnérables, certaines communes comme Mishiha recourent à la solidarité locale et en commune Kisagara, l'église méthodiste INI a acheté 300 cartes aux vulnérables. Depuis Tchangoudzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond Moudende. Quittons Tchangoudzo vers Kirundo au nord du pays où des lamentations sont nombreuses au sein de la population du centre urbain de cette province qui signale que plus d'une année s'écoule sans avoir aucun poisson dans la maison de vente de viande et poissons située au marché de Kirundo. La responsable provinciale de pêche au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage dans cette province indique qu'il n'y a pas eu de diminution de la production car 5000 tonnes de poissons ont été enregistrées l'année passée. passé. Seulement, indique-t-elle, la chambre froide réservée pour la conservation de ces produits n'a jamais été fonctionnée depuis l'ouverture du marché de Kirundo. Abraham Safari, correspondance. Certaines personnes qui ont parlé au micro de la radio Isanganiro disent que plus d'une année s'écoule sans avoir aucun poisson au marché de Kirundo où dans les années passées, une maison qui sert de vente de viande servait également aux ventes de poissons. Le client qui pouvait être dans les capacités d'acheter de la viande pouvait acheter les poissons car ces derniers se vendaient à côté. Des lamentations sont alors multiples car même la viande devient très rare ces jours-ci. Ces personnes interviewées nous ont fait savoir qu'elles voient presque toujours certains véhicules de marque Probox et camionnettes remplis de poissons et prenant la direction vers Bujumbura. Ils disent que c'est incompréhensible pour son manque de poissons alors que la province de Kirundo renferme elle seule 7 lacs dont les plus importants sont au nombre de 4 à savoir Rweru, Rwihinda, Choha et Kanzigiri et 3 petits lacs à savoir Narungazi, Nagitamo et Gachamirinda. Des fois, disait-ils, ils se demandent s'il s'agirait de la diminution sensible des poissons dans ces lacs ou pas. Madame Godebert Emanirakiza, responsable provinciale de la pêche et œuvrant à la BPAE Kirundo, nous a fait savoir qu'il n'y a pas eu de diminution de récolte de poissons. D'ailleurs, a-t-elle ajouté, 5000 tonnes est la quantité déjà enregistrée cette année passée. Seulement, il y a eu le problème de conservation suite au manque de chambres froides dans la maison destinée à la vente de viande et de poissons située au marché de Kirundo, nous a dit encore Madame Godebert Emanirakiza. Elle demande plutôt que ces chambres froides soient fonctionnaires car elle ne l'est pas depuis l'ouverture de son marché. Ce responsable de la pêche signale que les commerçants de poissons préfèrent les acheminer jusqu'à Bujumbura et même au Congo pour avoir du bénéfice. Elle appelle aux commerçants pouvant avoir des friseurs de commencer ce commerce même s'il prend des risques. Sachez que 9 sortes de poissons se trouvent dans ces différents lacs et 5 sont beaucoup plus visibles. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Et c'est par cet élément sonore qu'il met un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour sa parfaite collaboration technique. Ce journal vous a été présenté par Moïse Misago. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. La CENI joue la légalité. Titre, le journal Iwachu, dans son éditorial, qui rappelle qu'au total, 6 candidatures à la course présidentielle ont été validées ce mardi 10 mars par la Commission électorale nationale indépendante CENI. 4 autres ont été rejetées. Entre autres raisons avancées par le patron de la commission, telles que reprises par notre confrère, la déclaration de nationalité non conforme, des dossiers de parrainage incomplets, des signatures suspectes sur certains documents, manque d'identification ethnique pour les parrains, non-conformité entre le contenu de l'attestation de résidence et l'extrait du casier judiciaire pour les parrains. Le journal Iwachu retient aussi la mise en garde au nom de la loi aux candidats provisoirement retenus pour la course présidentielle du 20 mai contre une campagne électorale avant l'heure, ce qui, à ses yeux, donne un peu de crédit à cet organe régulateur des élections. Le journal Iwachu trouve que la CENI vient de montrer que la loi prime en ne cédant pas au chantage, aux critiques, voire aux menaces des politiques dont les candidatures ont été invalidées. Un bon début, pourrait-on dire. Pour l'éditorialiste de cet hebdomadaire, toute la classe politique doit s'inscrire dans la logique de la légalité et du respect de la volonté du peuple et de conclure que c'est ainsi qu'elle comprendra que l'on joue pour gagner, mais que l'on doit accepter la défaite avec dignité. Des tests d'entraînement dans les classes terminales, une stratégie pour booster la réussite d'après la voix de l'enseignant. Dans sa parution de cette semaine écoulée, ce journal rapporte le souhait des responsables scolaires de la direction provinciale de l'éducation, de la formation technique et professionnelle de la mairie de Bujumbura qui propose qu'il y ait une organisation des tests d'entraînement pour les élèves des classes terminales à l'examen d'état. Ça pourrait améliorer le taux de réussite. Ce journal explique qu'ils ont constaté que les écoles de l'intérieur du pays parviennent à mieux se classer alors qu'elles travaillent dans des conditions difficiles. Leur secret est de travailler dans des réseaux scolaires sans oublier les tests communaux d'entraînement révèlent-ils dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation? Et l'éducation toujours avec la BP, qui notait que le concours des parents est incontournable pour une bonne réussite des élèves à Muyinga. Le directeur du lycée communal de Muyinga, lors d'une assemblée générale des parents, a laissé entendre que leur rôle est important dans l'encadrement des élèves pendant l'étude libre. Selon ce responsable scolaire cité par la BP, le temps que passent ces élèves devant leurs enseignants est trop court. Pierre-Célestin Bonihang-Houye accuse des parents d'être à l'origine des échecs scolaires de leurs enfants, car ils les obligent à faire des travaux ménagers réservés aux vacances, poursuit notre confrère. Il appelle à cet effet les parents à la responsabilité face à l'occupation de leurs enfants et sont tenus de suivre leur éducation, lance-t-il dans les colonnes de la BP. Revue de la presse. Artisans en désarroi, titre le journal Burundi Echo. Dans son éditorial, il constate que des coupures électriques sont devenues intensives dans la capitale économique Bujumbura. Par conséquent, les opérateurs économiques font recours à des énergies de secours. Des groupes électrogènes ronronnent un peu partout au centre-ville de Bujumbura. Des câbles électriques déterrés pour tenter de réparer, rapporte notre confrère. Et cette situation rappelle le délestage que le Burundi a connu jusqu'en 2017, écrit toujours notre confrère, qui trouve que quelque chose cloche au niveau de la régie de production et de distribution d'eau et d'électricité régie des eaux. Le journal Burundi Echo montre qu'on ne peut pas atteindre un développement durable avec un déficit énergétique répétitif. Avant d'illustrer, par exemple, de la paralysie des travaux d'extraction du nickel sur le site de Musongati pour faute de manque d'électricité suffisante. Cette situation impacte négativement les activités commerciales, déplore notre confrère. L'augmentation de l'offre d'électricité devrait être accompagnée par la mise en place d'un réseau de distribution en bonne et due forme, et le remplacement du réseau de distribution en cas de panne ou de vétusté, propose ce journal spécialisé dans les questions économiques. Casque bleu, quel sort pour les enfants abandonnés au Burundi, s'interroge le collectif des blogueurs Yaga. Il fait référence à plusieurs casques bleus accueillis dans l'histoire au Burundi dans le cadre des missions de maintien de la paix. Au cours de leur séjour, quelques membres de ces troupes ont eu des aventures avec des Burundaises qui se sont confiées à la blogueuse de Yaga. Elles ont donné naissance aux enfants dont le sort mérite que l'on s'y attarde, trouve-t-il. Pire encore, des jeunes filles ont été abusées pour ni plus ni moins que des biscuits à la fleur de l'âge, regrette Yaga, qui conclut par des interrogations. De qui hériteront-ils dans un pays où l'enfant hérite de son père? Et c'est la fin de cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par Raissa Liliane Inamahoro et Linibel Nibigira. Bonne suite des programmes de la radio. Isanganiro. Revue de la presse.